Mise en onde est assurée par Eric Wimana. Merci de garder l'écoute des programmes de la radio Isanganiro émettant depuis Bujumbura, la capitale burundaise. Bonjour et bienvenue à ce grand rendez-vous du journal de la mi-journée en langue française, mais d'abord les grands titres. Satisfaction de l'organisation locale par SEM après la libération de ses trois membres arrêtés au mois de juin l'année dernière, accusés d'attente à la sûreté de l'État, mais que déplore le président de cette organisation ? C'est tout à l'heure. Et l'administrateur communal de Mutimbuzi, nous sommes en province Bujumbura, rejette en bloc les accusations du conseil communal après qu'il ait annoncé sa destitution. Damien Malindambi trouve que ses membres de ce conseil auraient eu la moutarde qui montonnait, car il leur avait refusé l'octroi de parcelles, vous l'entendrez. Le reporter du jour nous conduira en commune Mugina de la province Cibitoke où les soupçons liés à la sorcellerie font rage. Et enfin, vous aurez, comme vous en avez l'habitude tous les jeudis, vous aurez droit à la chronique justice. Et aujourd'hui, on va vous parler des textes législatifs qui devraient avoir leur version en langue nationale. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, je vous le disais tout à l'heure, justice pour débuter ce journal, l'ONG locale Parsem se réjouit de l'acquittement de ses trois points focaux à Mbouye et Mouramvia, en province de Mouramvia, au centre du pays. Le président de cette organisation, Faustin Dikoumana, déplore toutefois les procédures longues de la justice pour obtenir la décision. Les trois venaient en effet de passer plus d'une année en prison depuis leur arrestation le 13 juin 2007. Faustin Dikoumana est le président de la Parsem. Ils avaient déjà plaidé non coupables. Voilà qu'ils sont acquittés. Nous sommes satisfaits. Et comme conseil, alors, nous lançons un appel à la justice et surtout d'évaluer vraiment en profondeur s'il y a lieu de détenir quelqu'un préventivement avant que les procès soient organisés. Parce que des fois, on voit qu'il y a des arrestations, des emprisonnements intempestifs. Dans certains cas, même, on généralise aussi les libérations sous caution. Parce que passer plus d'une année incarcéré pour être acquitté, comprenez qu'au niveau peut-être de la vie familiale, des détenus, la vie, les causes familiales, il y a un recul. Nous devrions vraiment être vraiment beaucoup plus prudents, surtout au niveau de la justice, avant vraiment de décider que quelqu'un doit être emprisonné préventivement. C'est quelque chose de très important. Arrêter quelqu'un préventivement alors qu'il pouvait répondre à toute enquête étant libre. Et je crois que même au niveau économique, vous savez, le coût de l'entrée de ces prisons aussi était très élevé. Il faut alors que la justice évolue par rapport à cette situation. Faustin Dikoumana, il est président de la Parsem. Emmanuel Nshimirimana, Aimé Constant Gatore et Marius Nizigama avaient été arrêtés pour atteinte à la sécurité de l'État. Gouvernance à présent, l'administrateur de la commune Mutimbuzi de la province Bujumbura rejette toutes les accusations portées contre lui, comme quoi il est mauvais gestionnaire de cette commune. Par contre, Damien Malindambi, administrateur de la commune Mutimbuzi, précise qu'il est victime d'avoir refusé d'octroi des parcelles aux membres du conseil communal. Il demande que le ministère de l'Intérieur mette en place une commission d'enquête. Suivez Daniel Malindambi, administrateur de la commune Mutimbuzi. Les dettes qui se sont encaissées, se sont encaissées suite aux activités qu'on avait réalisées dans la commune durant toute cette année de 2018. Alors, le paiement n'a pas été favorable suite au maladie que le comptable communal avait. Donc, il était impuissant de travailler jusqu'à ce qu'elle a rendu son âme. Et c'est de maintenant qu'on s'organise pour voir comment payer ses dettes. La destitution de mes fonctions ne suit pas seulement les dettes qu'on a envers nos fournisseurs ou nos créanciers. Plutôt, c'est la question des parcelles que les conseils communaux veulent accaparer et surtout que je suis un obstacle pour eux pour avoir des parcelles. Alors que moi aussi, je ne vais pas entrer en conflit avec le ministère de l'aménagement du territoire, le cabinet du gouverneur et sur le mot que son Excellence le Président de la République m'avait dit le jour où il a inauguré le hôtel Yukabish de Kajaga. Le conseil communal vous accuse que vous avez octroyé illégalement des marchés de construction pour les commerçants qui avaient importé des produits illicitement. Qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas qu'on avait donné des marchés de grande envergure. On demandait des matériaux de construction au fur et à mesure qu'on avait des activités. Et voilà, la dette s'est encaissée jusqu'à son niveau. Et qu'est-ce que vous demandez le ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique? Je demande qu'il puisse mener des enquêtes approfondies, mettre une commission qui n'a pas de spéculation pour voir tout ce que le conseil communal dit sur moi afin de trouver un compromis. Damien Valindambi, administrateur de la commune Mutimbuzi, qui s'entretenait avec Jean-Marie Vianenge Nakumana. Et la situation se présente ainsi au moment où le conseil communal de cette entité administrative a pris la décision en date du 20 décembre 2018 de destituer l'administrateur communal, l'accusant d'une mauvaise gestion de cette commune, y compris l'octroi illégal des marchés. Après une courte pause, on va parler société. La radio de l'avenir. À midi à 13h03, un don constitué de tenues de sport, de ballons de football et des paquets sanitaires a été accordé au ministère de l'Éducation par le Fonds des Nations Unies pour la population finnoise, en sigle. Le représentant de cette organisation onusienne au Burundi, Richmond Tiemoko, et le secrétaire permanent de ce ministère, Emmanuelle Bourikoukié, trouve que ce don va beaucoup aider les jeunes filles pendant la période de menstruation. 312 écoles sont bénéficiaires de ce don, ont-ils ajouté. Suivez plutôt Richmond Tiemoko, il est représentant de la FINUAP au Burundi. Nous sommes ici aujourd'hui vraiment pour renouveler et manifester notre soutien au ministère de l'Éducation pour le travail important que ce ministère accomplit. Car l'éducation, c'est vraiment la pierre angulaire du développement du pays. Nous avons jugé bon de continuer toujours, en tant que UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, à apporter notre soutien au gouvernement et en particulier à ce ministère. Aujourd'hui, nous sommes ici pour appuyer encore au niveau symbolique le travail que ce ministère fait et notamment le travail pour permettre aux filles d'être éduquées dans la dignité. Je dis bien dans la dignité parce que c'est important. Ce que nous envoyons aujourd'hui, c'est 93 cartons de paquets sanitaires et chacun des cartons contient à peu près 24 paquets sanitaires. Et en dehors de ces cartons, nous avons 312 maillots et 24 ballons de football. Monsieur le secrétaire permanent, je voulais m'attarder un peu plus sur les paquets sanitaires. Nous savons très bien que la menstruation est un aspect très important de la vie d'une femme et en particulier la vie d'une jeune fille. La menstruation, qui est un phénomène purement biologique, très souvent cause aux filles de s'absenter à l'école parce qu'elles n'ont pas le matériel ou d'être humiliées par des jeunes hommes parce qu'il y a une tâche sur leur tête. Et avec le développement que nous cherchons et l'engagement que nous voulons pour permettre à chacun, chacune de grandir dans la dignité, d'apprendre, de se former, de développer des compétences, ces jours d'absence, 3, 4, 5 jours d'absence par mois, souvent a un coût énorme sur l'éducation de la fille. Et donc cet appui aujourd'hui, c'est vraiment encourager et supporter le ministère pour que les filles puissent rester à l'école pendant ce temps. Richmond Tiemoko, il est représentant de la FINUAP au Burundi. Les concerts des deux chanteurs rwandais ont été annulés et reportés à une date non précise. Dans un communiqué sorti par le management de la star Meda Ngabo, dit Mehdi, ce dernier ne sera pas à Bujumbura pour des raisons de sécurité sans donner plus de détails. Mehdi devrait animer deux concerts, l'un à la Costa Beach, à l'autre au boulevard de Luprona. L'autre star rwandaise qui devrait animer un concert le jour de Noël à Bujumbura est connu sous le sobriquet de Bruce Melody. Lui aussi n'est pas venu à Bujumbura sans donner plus de motifs. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. En page éducation, le ministère de l'Éducation, la formation technique et professionnelle prévient les élèves qui fréquentent le lycée technique de Boutelele sous une autre appellation qui n'auront qu'un document à la fin de leurs études. Avertissement du porte-parole de ce ministère dans un point de presse de ce jeudi, après que le représentant légal de cette école ait été arrêté il y a deux jours. Juma Edouard, porte-parole de ce ministère, explique que la nouvelle appellation de cette école dite lycée technique Christa n'est pas connue au niveau du ministère dont il est porte-parole. Pour rappel, Benjamin Manirambona, directeur de l'école technique de Boutelele, a été surpris le 11 août de l'année courante en train de faire l'examen d'état pour ses élèves. Radio Isanganiro, chronique justice. Vous l'avez entendu à travers cet indicatif, la chronique justice est de ce jeudi. On va parler des textes législatifs qui doivent avoir leur version en langue nationale, le Kirundi, pour faciliter la connaissance de la loi par les citoyens. Le directeur au service national de législation considère qu'à cela devrait s'ajouter une large publication de la loi avec des explications données par le législateur et les experts. Docteur Léonard Gachuko explique que le langage contenu dans la loi n'est pas facile à comprendre, alors qu'elle n'est pas conçue que pour les citoyens. Les détails, c'est dans cette chronique judiciaire signée Alain Désiré Boukayenet. La loi, généralement, vient de la volonté du législateur. Les représentants du peuple votent les lois élaborées principalement par le gouvernement en vue de répondre essentiellement aux préoccupations de la population. Les explications sont du directeur du Service national de législation. Le législateur constate de l'existence d'un problème à régler et puis il conçoit la manière de la régler sur le plan législatif. Et c'est dans ce contexte-là qu'il conçoit, élabore et fait voter une loi. Cet enseignant de l'université, Léonard Gachuko, explique que les textes législatifs promulgués par le président de la République sont publiés de trois manières, y compris dans le bulletin officiel du Burundi. Il y a d'abord la publication de la loi dans le bulletin officiel du Burundi. L'autre manière de faire connaître la loi à la population, c'est de publier ou tout au moins diffuser par les moyens nouveaux de communication, l'Internet. Mais une telle publication atteint une poignée de la population puisqu'elle consiste en des outils difficilement accessibles. La Constitution de la République du Burundi exige que les textes votés doivent avoir une version en langue nationale, le Kirundi, précise Dr. Léonard Gachuko. La Constitution de la République du Burundi, en son article 5, précise que la loi doit avoir sa version en Kirundi. Cela signifie que la langue de la loi, c'est le français. Et une fois la loi écrite, il faut qu'elle soit traduite donc dans la langue que tout le monde est supposé comprendre. Le Kirundi. Le langage difficile de la loi ne rend pas facile la connaissance de la loi par les citoyens. Le français qui est utilisé dans la rédaction de la loi est parfois le même vocabulaire qui en ressemble à d'autres, mais dont le contenu diffère parfois du sens commun que l'on donne à ce vocabulaire. C'est ça peut-être le principal obstacle à la compréhension de la loi. Le directeur du Service national de législation considère que les textes législatifs les plus importants pour le peuple devraient avoir des explications en conformité avec les motifs qui les ont dictés. Cela faciliterait même la mise en application, ce qui fera objet de la prochaine chronique. À la source, reportage. Notre reporter du jour nous conduit en province Chibitoke où les soupçons de sorcellerie se font parler d'eux dans différentes communes de cette province, comme l'affirme la population de Mugina. Elle indique que les féticheurs et les chambres de prière sont parmi les catalyseurs de cette situation qui a comme conséquence les tueries et les contraintes de départ en exil côté administration. L'on fait savoir que depuis le mois d'août, plus de 10 tracts menaçants de mort, les présumés sorciers ont été recensés. L'administrateur de la commune Mugina d'y être à l'œuvre en vue d'éradiquer cette pratique. C'est le reportage de Charles Makoto. Jonas Bihezande est l'un des élus coronaires de la commune Butaramuka. Il trouve que les accusations de sorcellerie sont souvent liées à des litiges fonciers. De son côté, Arfan Daïsenga dit que les conflits sociaux et les partages, des biens peuvent être à l'origine de ces accusations. De l'autre côté, les mésententes sont aussi évoquées parmi les causes de sorcellerie. C'est le point de vue de Diomède Ndikuriyo qui appelle ses concitoyens au contrôle de leurs propos, même en cas de bagarre. La sorcellerie est un phénomène social connu depuis très longtemps en province de Chibitoke. La population de la colline Butaramuka affirme n'avoir jamais vu de leurs yeux cette sorcellerie qui empoisonne les relations dans leur communauté. Il n'y a aucune personne qui a déjà été arrêtée en flagrant délit en train de commettre de la sorcellerie pour prouver qu'il est vraiment sorcier. Nous l'entendons comme ça. Nos ancêtres croyaient en la sorcellerie jusqu'aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne l'a déjà rendu public. Les chambres de prière sont aussi évoquées parmi les catalyseurs. En désignant le coupable de telles maladies, elles sont pointées du doigt de nourrir et entretenir la haine dans la communauté. Dans ces chambres de prière, franchement, il y a celles qui sèment la haine. On prie pour une personne et lorsqu'elle évoque le nom d'une personne voisine, quel est l'auteur de ces sorcelleries répétitives parce qu'il y a indifférent. Tout ça constitue des soupçons. Propos soutenus par Jovite Bayavugé, administrateur de la commune de Mugina. Selon elle, l'ignorance et les croyances obscures sont à la base de cette situation qui empoisonne le climat social. Parce que ces églises, ces chambres de prière aussi, sont le moteur de propager des conflits entre la population. Elle indique toutefois que l'administration est à l'œuvre pour dissuader la population de faire recours aux hôpitaux en cas de maladie et que des réunions de sensibilisation sont régulièrement tenues pour tranquilliser la population. Merci Charles Makoto et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Je dis merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Riku Imana pour la mise en onde. Deli Niber Nibigraj, c'était la présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.